T'as vu les effets néfastes du shit et l'alcool. T'as vu que ta carte à vue remplacer tes heures de colle. T'as vu ce baveux commis d'office. Si tu meurs ou tu tombes, c'est tes potes qui sont là pour nourrir ton fils. T'as vu cet ami tout prendre sur lui. Ton genre d'affaires illégales que nos autres considèrent comme des ennuis. T'as vu ce frère mettre sa cagoule après sa salade. L'air de rien coule ton cul avec un salam. T'as vu ce père faire des sacrifices. T'as vu une mère pleurer son fils tué dans les locaux de la police. T'as vu ce père à l'honneur bafoué. T'as vu cette meuf qu'on s'entend tourner dans les caves au destin tatoué. T'as vu cette matonne matée t'habiter des becs. T'as vu cette juge prendre son pied à déchiffrer ta lettre. T'as vu ce keuf défoncer au sky. Le genre de keuf qui kiffe te coffrer que quand t'es pas avec tes cales. MC t'es calme, t'as vu que ton rap n'est pas taille. 2008 le flow et la MC prépare ton pactage. J'ai vu ce que beaucoup de mes frères voient. Me voient être clairvoyant, raconter la merde en vie de vivre. T'as vu les choses sales dans nos vies. On vit nos vies, on écrit comme sur un manuscrit. J'écris le rap et ma thérapie. Pas besoin de thérapeute, même si le vécu a été trop rapide. T'as vu les choses sales dans nos vies. On vit nos vies, on écrit comme sur un manuscrit. J'écris le rap et ma thérapie. Pas besoin de thérapeute, même si le vécu a été trop rapide. T'as vu qu'en France on vit pas d'amour et d'eau fraîche. T'as vu que tes thunes sert à payer ton bavé au frais. T'as vu ce frère dans le ghetto partir trop tôt. On a tous perdu des potes qu'on regarde sur des photos. T'as vu qu'on nous traite trop souvent de délinquants. Mais y'a pas pire qu'un sexuel délinquant. Dès l'instant qu'on est arabe ou noir, t'as vu. Pour certains keufs, t'es juste bon pour une carte à vue. T'as vu que ça rassure de dormir avec un calibre. Même si les conséquences font de nous des hommes pas libres. T'as vu que l'amertume des thunes remérit ma mère. T'as vu que beaucoup de mères rêvent de prothèse ma mère. T'as vu cette fille par son père perdre son puce l'âge. T'as vu cette fille dire à sa mère pour le sexe, y'a plus d'âge. T'as vu ce frère réussir dans la vie grâce au foot. T'as vu une sœur diplômée en état qui s'en fout. T'as vu cette t'as mis partir dans le vice du jeu. Elle a compris toujours et vite le vif du sujet. T'as vu que la fierté l'emporte façon merci. T'as vu qu'on rêve de mettre nos ennemis à notre merci. T'as vu qu'au start t'hésites pas à te mettre un 12 dans le cul. T'as vu que les pointeurs à plus 12 on les encule. T'as vu ce frère mettre enceinte une de ses tasses. T'as vu cette sœur se baisser pour quelques pécettes tasses. T'as vu à qui profite les coups d'état d'Afrique. Les politiques appliquent une politique de merde. T'as vu ce mytho et cette miche tourneuse qui ont pas de fierté comme une victime. T'as vu les choses sales dans nos vies. On vit nos vies, on écrit comme sur un manuscrit. J'écris le rap et ma thérapie. Pas besoin de thérapeute, même si le vécu a été trop rapide. T'as vu les choses sales dans nos vies. On vit nos vies, on écrit comme sur un manuscrit. J'écris le rap et ma thérapie. Pas besoin de thérapeute, même si le vécu a été trop rapide. T'as vu les choses sales dans nos vies. On vit nos vies, on écrit comme sur un manuscrit. J'écris le rap et ma thérapie. Pas besoin de thérapeute, même si le vécu a été trop rapide. T'as vu les choses sales dans nos vies. On vit nos vies, on écrit comme sur un manuscrit. J'écris le rap et ma thérapie. Pas besoin de thérapeute, même si le vécu a été trop rapide.